Les nouvelles des activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays et régions. Les mass médias comme l'agence de presse cubaine Prensa Latina, la radio britannique BBC, l'agence de presse syrienne Sana, le journal Cambodia Daily, le journal internet birman Tito Ruin, les journaux singapouriens Straits Times et Lianhe Jiaobao, les agences de presse UNI et India Asia, les journaux Indian Express et Asian Asia de l'Inde, les pages internet du Comité national d'études des étudiants du Congo démocratique et du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée ont présenté que le dirigeant suprême Kim Jong-un a inspecté le commandement des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée. L'agence de presse India Asia, les journaux singapouriens Straits Times et Lianhe Jiaobao, l'agence de presse japonaise Kyodo, la radio japonaise NHK et le homepage internet du Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen séjournant au Nigeria ont informé de la nouvelle du déroulement solennel du banquet en présence du dirigeant suprême Kim Jong-un pour féliciter la réussite au deuxième lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale façon 14.